Un autre jour, 2 mois plus tard, j'avais traversé les sommets du Sanim, couverts de neiges éternelles, et j'étais redescendu du Liban, couronné de son diadème de cèdre, dans le désert nu et stérile d'Héliopolis. À la fin d'une journée de route pénible et longue, à l'horizon encore éloigné devant nous, sur les derniers degrés des montagnes noires de l'anti-Liban, un groupe immense de ruines jaunes, dorées par le soleil couchant, se détachait de l'ombre des montagnes et répercutait les rayons du soir. Nos guides nous les montraient du doigt et criaient « Baalbek, Baalbek !» C'était en effet la merveille du désert, la fabuleuse Baalbek, qui sortait toute éclatante de son sépulcre inconnu pour nous raconter des âges dont l'histoire a perdu la mémoire. Nous avancions lentement, au pas de nos chevaux fatigués, les yeux attachés sur les murs gigantesques, sur les colonnes éblouissantes et colossales qui semblaient s'étendre, grandir, s'allonger à mesure que nous en approchions. Un profond silence régnait dans toute notre caravane. Chacun aurait craint de perdre une impression de cette scène en communiquant celle qu'il venait d'avoir. Les Arabes même se taisaient et semblaient recevoir aussi une forte et grave pensée de ce spectacle qui nivelle toutes les pensées. Enfin, nous touchâmes au premier bloc de marbre, au premier tronçon de colonne que les tremblements de terre ont secoué jusqu'à plus d'un mille des monuments même, comme les feuilles sèches jetées et roulées loin de l'arbre après l'ouragan. Les profondes et larges carrières qui déchirent, comme des gorges de vallées, les flancs noirs de l'anti-Liban, ouvraient déjà leurs abîmes sous les pas de nos chevaux. Ces vastes bassins de pierre, dont les parois gardent encore les traces profondes du ciseau qui les a creusées pour en tirer d'autres collines de pierre, montraient encore quelques blocs gigantesques, à demi détachés de leur base, et d'autres entièrement taillés sur leurs quatre faces, et qui semblent n'attendre que les chars ou les bras des générations de géants pour les mouvoir. Un seul de ces moellons de Baalbek avait 62 pieds de long sur 24 pieds de largeur et 16 pieds d'épaisseur. Un de nos Arabes, descendant de cheval, se laissa glisser dans la carrière, et grimpant sur cette pierre, en s'accrochant aux entaillures du ciseau et aux mousses qui y ont pris racine, il monta sur ce piédestal et courut çà et là sur cette plateforme, en poussant des cris sauvages. Mais le piédestal écrasait par sa masse l'homme de nos jours. L'homme disparaissait devant son œuvre. Il faudrait la force réunie de 60 000 hommes de notre temps pour soulever seulement cette pierre, et les plateformes des temples de Baalbek en montrent de plus colossales encore, élevées à 25 ou 30 pieds du sol pour porter des colonnades proportionnées à ces bases. Nous suivîmes notre route entre le désert à gauche et les ondulations de l'anti-Liban à droite, enlongeant quelques petits champs cultivés par les Arabes pasteurs, et le lit d'un large torrent qui serpente entre les ruines, et au bord duquel s'élèvent quelques beaux noyers. L'acropolis, ou la colline artificielle qui porte tous les grands monuments d'Héliopolis, nous apparaissait çà et là entre les rameaux et au-dessus de la tête des grands arbres. Enfin, nous la découvrîmes, tout entière, et toute la caravane s'arrêta comme par un instinct électrique. Aucune plume, aucun pinceau ne pourrait décrire l'impression que ce seul regard donne à l'œil et à l'âme. Sous nos pas, dans le lit du torrent, au milieu des champs, autour de tous les troncs d'arbres, des blocs immenses de granit rouge ou gris, de porphyre sanguin, de marbre blanc, de pierres jaunes aussi éclatantes que le marbre de Paros, tronçons de colonnes, chapiteaux ciselés, architraves, volutes, corniches, entablements, piédestaux, membres épars et qui semblent palpitants, des statues tombées la face contre terre. Tout cela confus, groupé en monceaux, disséminé en 1000 fragments, et ruisselant de toutes parts comme les laves d'un volcan qui vomirait les débris d'un grand empire. À peine un sentier pour se glisser à travers ces balayures des arts qui couvrent toute la terre. Et le fer de nos chevaux glissait et se brisait à chaque pas sur la cante polie des corniches ou sur le sein de neige d'un torse de femme. L'eau seule de la rivière de Baalbek se faisant jour parmi ces lits de fragments, et l'avant de son écume murmurante les brisures de ces marbres qui font obstacle à son cours. Au-delà de ces écumes de débris qui forment de véritables dunes de marbre, la colline de Balbec, plateforme de 1000 pas de long, de 700 pieds de large, toute bâtie de main d'homme en pierre de taille, dont quelques-unes ont 50 à 60 pieds de longueur sur 20 à 22 d'élévation, mais la plupart de 15 à 30. Cette colline de granit taillé se présentait à nous par son extrémité orientale, avec ses bases profondes et ses revêtements incommensurables, où 3 morceaux de granit forment 180 pieds de développement et près de 4000 pieds de surface, avec les larges embouchures de ces voûtes souterraines où l'eau de la rivière s'engouffrait en bondissant, où le vent jetait avec l'eau des murmures, semblables aux volées lointaines des grandes cloches de nos cathédrales. Sur cette immense plateforme, l'extrémité des grands temples se montrait à nous, détachée de l'horizon bleu et rosé, en couleur d'or. Quelques-uns de ces monuments déserts semblaient intacts et sortis d'hier des mains de l'ouvrier. D'autres ne présentaient plus que des restes encore debout, des colonnes isolées, des pans de murailles inclinées et des frontons démantelés. L'œil se perdait dans les avenues étincelantes des colonnades de ces divers temples, et l'horizon, trop élevé, nous empêchait de voir où finissait ce peuple de pierre. Les 7 colonnes gigantesques du grand temple, portant encore majestueusement leur riche et colossal entablement, dominaient toute cette scène et se perdaient dans le ciel bleu du désert, comme un autel aérien pour les sacrifices des géants. Nous ne nous arrêtâmes que quelques minutes pour reconnaître seulement ce que nous venions de visiter à travers tant de périls et tant de distances. Et sûrs, enfin, de posséder pour le lendemain ce spectacle que les rêves même ne pourraient nous rendre, nous nous remîmes en marche. Le jour baissait. Il fallait trouver un asile, ou sous la tente, ou sous quelque voûte de ces ruines, pour passer la nuit et nous reposer d'une marche de 14 heures. Nous laissâmes à gauche la montagne de ruines et une vaste plage toute blanche de débris. Et traversant quelques champs de gazon broutés par les chèvres et les chameaux, nous nous dirigeâmes vers une fumée qui s'élevait à quelques 100 pas de nous d'un groupe de ruines entremêlées de masures arabes. Le sol était inégal et montueux et retentissait sous les fers de nos chevaux, comme si les souterrains que nous foulions allaient s'entr'ouvrir sous leurs pas. Nous arrivâmes à la porte d'une cabane basse et à demi cachée par des pans de marbre dégradés, et dont la porte et les étroites fenêtres sans vitres et sans volets étaient construites de débris de marbre et de porphyre, mal collés ensemble avec un peu de ciment. Une petite ogive de pierre s'élevait 1 ou 2 pieds au-dessus de la plateforme qui servait de toit à cette masure, et une petite cloche, semblable à celle que l'on peint sur la grotte des ermites, y tremblait aux bouffées du vent. C'était le palais épiscopal de l'évêque arabe de Balbec, qui surveille dans ce désert un petit troupeau de 12 ou 15 familles chrétiennes de la communion grecque, perdues au milieu de ces déserts et de la tribu féroce des Arabes indépendants des Bécaos. Jusque-là, nous n'avions vu aucun être vivant que les chacals qui couraient entre les colonnes du grand temple et les petites hirondelles au collier de soie rose qui bordaient, comme un ornement d'architecture orientale, les corniches de la plateforme. L'évêque, averti par le bruit de notre caravane, arriva bientôt et, s'inclinant sur sa porte, m'offrit l'hospitalité. C'était un beau vieillard, aux cheveux et à la barbe d'argent, à la physionomie grave et douce, à la parole noble, suave et cadencée, tout à fait semblable à l'idée du prêtre dans le poème ou dans le roman, et digne en tout de montrer sa figure de paix, de résignation et de charité dans cette scène solennelle de ruine et de méditation. Il nous fit entrer dans une petite cour intérieure, pavée aussi d'éclats de statues, de morceaux de mosaïques et de vases antiques, et nous livrant sa maison, c'est-à-dire 2 petites chambres basses, sans meubles et sans portes, il se retira et nous laissa, suivant la coutume orientale, maîtres absolus de sa demeure. Pendant que nos aras plantaient en terre autour de la maison les chevilles de fer, pour y attacher par des anneaux les jambes de nos chevaux, et que d'autres allumaient un feu dans la cour pour nous préparer le pilau et cuire les galettes d'orge, nous sortîmes pour jeter un second regard sur les monuments qui nous environnaient. Les grands temples étaient devant nous, comme des statues sur leur piédestal. Le soleil les frappait d'un dernier rayon qui se retirait lentement d'une colonne à l'autre, comme les lueurs d'une lampe que le prêtre emporte au fond du sanctuaire. Les mille ombres des portiques, des piliers, des colonnades, des autels se répandaient mouvantes sous la vaste forêt de pierre et remplaçaient peu à peu sur l'acropolis les éclatantes lueurs du marbre et du travertin. Plus loin, dans la plaine, c'était un océan de ruines qui ne se perdait qu'à l'horizon. On eût dit des vagues de pierre brisées contre un écueil et couvrant une immense plage de leur blancheur et de leur écume. Rien ne s'élevait au-dessus de cette mer de débris, et la nuit qui tombait des hauteurs déjà grises d'une chaîne de montagnes les ensevelissait successivement dans son ombre. Nous restâmes quelques moments assis, silencieux et pensifs, devant ce spectacle, sans parole. Et nous rentrâmes à pas lents dans la petite cour de l'évêque, éclairée par le foyer des Arabes. Assis sur quelques fragments de corniches et de chapiteaux qui servaient de banc dans la cour, nous mangeâmes rapidement le sobre repas du voyageur dans le désert, et nous restâmes quelque temps à nous entretenir, avant le sommeil, de ce qui remplissait nos pensées. Le foyer s'éteignait, mais la lune se levait pleine et éclatante dans le ciel limpide, et passant à travers les crénelures d'un grand mur de pierre blanche et les dentelures d'une fenêtre en arabesque, qui bornait la cour du côté du désert, elle éclairait l'enceinte d'une clarté qui rejaillissait sur toutes les pierres. Le silence et la rêverie nous gagnèrent ce que nous pensions à cette heure, à cette place, si loin du monde vivant, dans ce monde mort, en présence de tant de témoins muets, d'un passé inconnu, mais qui bouleverse toutes nos petites théories d'histoire et de philosophie de l'humanité, ce qui se remuait dans nos esprits ou dans nos cœurs, de nos systèmes, de nos idées, hélas, et peut-être aussi de nos souvenirs et de nos sentiments individuels, Dieu seul le sait. Et nos langues n'essayaient pas de le dire. Elles auraient craint de profaner la solennité de cette heure, de cet astre, de ces pensées même. Nous nous taisions. Tout à coup, comme une plainte douce et amoureuse, comme un murmure grave et accentué par la passion, sortit des ruines, derrière ce grand mur, percé d'ogives arabesques et dont le toit nous avait paru écroulé sur lui-même, ce murmure vague et confus s'enfla, se prolongea, s'éleva plus fort et plus haut, et nous distinguâmes un chant nourri de plusieurs voix en chœur, un chant monotone, mélancolique et tendre, qui montait, qui baissait, qui mourait, qui renaissait alternativement et qui se répondait à lui-même. C'était la prière du soir que l'évêque arabe faisait avec son petit troupeau dans l'enceinte éboulée de ce qui avait été son église, monceau de ruines entassé récemment par une tribu d'arabes idolâtres. Rien ne nous avait préparés à cette musique de l'âme dont chaque note est un sentiment ou un soupir du cœur humain dans cette solitude au fond des déserts, sortant ainsi des pierres muettes accumulées par les tremblements de terre, par les barbares et par le temps. Nous fûmes frappés de saisissement et nous accompagnâmes des élans de notre pensée, de notre prière et de toute notre poésie intérieure, les accents de cette poésie sainte, jusqu'à ce que les litanies chantées eussent accompli leur refrain monotone et que le dernier soupir de ces voix pieuses se fût assoupi dans le silence accoutumé de ces vieux débris. Voilà, nous disions-nous en nous levant, ce que sera sans doute la poésie des derniers âges, soupir et prière sur des tombeaux, aspiration plaintive vers un monde qui ne connaîtra ni mort ni ruine. Mais j'en vis une bien plus frappante image, quelques mois après, dans un voyage au Liban. Je demande encore la permission de le peindre. Je redescendais des dernières sommités de ces Alpes. J'étais l'hôte du cheikh d'Éden, village arabe maronite, suspendu sous la dent la plus aiguë de ces montagnes, aux limites de la végétation, et qui n'est habitable que l'été. Ce noble et respectable vieillard était venu me chercher avec ses fils et quelques-uns de ses serviteurs jusqu'aux environs de Tripoli, de Syrie, et m'avait reçu dans son château d'Éden, avec la dignité, la grâce de cœur et l'élégance de manière que l'on pourrait imaginer dans un de ces vieux seigneurs de la cour de Louis XIV. Les arbres entiers brûlaient dans le large foyer. Les moutons, les chevreaux, les cerfs étaient étalés par piles dans les vastes salles. Et les outres séculaires des vins d'or du Liban, apportés de la cave par ses serviteurs, coulaient pour nous et pour notre escorte. Après avoir passé quelques jours à étudier ces belles mœurs homériques, poétiques comme les lieux mêmes où nous les retrouvions, le cheikh me donna son fils aîné et un certain nombre de cavaliers arabes pour me conduire au cèdre de Salomon, arbre fameux qui consacre encore la plus haute cime du Liban et que l'on vient vénérer depuis des siècles comme les derniers témoins de la gloire de Salomon. Je ne les décrirai point ici, mais au retour de cette journée mémorable pour un voyageur, nous nous égarâmes dans les sinuosités de rochers et dans les nombreuses et hautes vallées dont ce groupe du Liban est déchiré de toutes parts. Et nous nous trouvâmes tout à coup sur le bord à pic d'une immense muraille de rochers de quelques 1000 pieds de profondeur qui cerne la vallée des Saints. Les parois de ce rempart de granit étaient tellement perpendiculaires que les chevreuils mêmes de la montagne n'auraient pu y trouver un sentier, et que nos Arabes étaient obligés de se coucher le ventre contre terre et de se pencher sur l'abîme pour découvrir le fond de la vallée. Le soleil baissait. Nous avions marché bien des heures. Il nous en aurait fallu plusieurs encore pour retrouver notre sentier perdu et regagner Éden. Nous descendîmes de cheval et, nous confiant à un de nos guides qui connaissait non loin de là un escalier de roc vif, taillé jadis par les moines maronites, habitants immémoriaux de cette vallée, nous suivîmes quelque temps les bords de la corniche. Et nous descendîmes enfin, par ces marches glissantes, sur une plateforme détachée du roc et qui dominait tout cet horizon. La vallée s'abaissait d'abord par des pentes larges et douces, du pied des neiges et des cèdres qui formaient une tache noire sur ces neiges. Là, elle se déroulait sur des pelouses d'un vert jaune et tendre, comme celui des hautes croupes du Jura ou des Alpes. Et une multitude de filets d'eau écumante sortis çà et là du pied des neiges fondantes, sillonnaient ces pentes gazonnées et venaient se réunir en une seule masse de flots et d'écume au pied du premier gradin de rochers. Là, la vallée s'enfonçait tout à coup à 400 ou 500 pieds de profondeur, et le torrent se précipitait avec elle et s'étendant sur une large surface, tantôt couvrait le rocher comme d'un voile liquide et transparent, tantôt s'en détachait en voûtes élancées, et tombant enfin sur des blocs immenses et aigus de granit arrachés du sommet, s'y brisait en lambeaux flottants et retentissait comme un tonnerre éternel. Le vent de sa chute arrivait jusqu'à nous, en emportant, comme de légers brouillards, la fumée de l'eau à 1000 couleurs, la promenait çà et là sur toute la vallée ou la suspendait en rosée aux branches des arbustes et aux aspérités du roc. En se prolongeant vers le nord, la vallée des Saints se creusait de plus en plus et s'élargissait davantage. Puis, à environ 2 milles du point où nous étions placés, deux montagnes nues et couvertes d'ombre se rapprochaient en s'inclinant l'une vers l'autre, laissant à peine une ouverture de quelques toises entre leurs deux extrémités, où la vallée allait se terminer et se perdre avec ses pelouses, ses vignes hautes, ses peupliers, ses cyprès et son torrent de lait. Au-dessus des deux monticules qui l'étranglaient ainsi, on apercevait à l'horizon comme un lac d'un bleu plus sombre que le ciel. C'était un morceau de la mer de Syrie, encadré par un golfe fantastique d'autres montagnes du Liban. Ce golfe était à 20 lieues de nous, mais la transparence de l'air nous le montrait comme à nos pieds, et nous distinguions même deux navires à la voile, qui, suspendus entre le bleu du ciel et celui de la mer, et diminués par la distance, ressemblaient à deux cygnes planant dans notre horizon. Ce spectacle nous saisit tellement d'abord que nous n'arrêtâmes nos regards sur aucun détail de la vallée. Mais quand le premier éblouissement fut passé et que notre œil put percer, à travers la vapeur flottante du soir et des eaux, une scène d'une autre nature se déroula peu à peu devant nous. À chaque détour du torrent, où l'écume laissait un peu de place à la terre, un couvent de moines maronites se dessinait en pierre d'un brun sanguin sur le gris du rocher, et sa fumée s'élevait dans les airs entre des cimes de peupliers et de cyprès. Autour des couvents, de petits champs conquis sur le roc ou le torrent semblaient cultivés comme les parterres les plus soignés de nos maisons de campagne. Et ça et là, on apercevait ces maronites, vêtus de leurs capuchons noirs, qui rentraient du travail des champs, les uns avec la bêche sur l'épaule, les autres conduisant de petits troupeaux de poulains arabes, quelques-uns tenant le manche de la charrue et piquant leurs bœufs entre les mûriers. Plusieurs de ces demeures de prières et de travail étaient suspendues avec leurs chapelles et leurs ermitages sur les caps avancés des deux immenses chaînes de montagnes. Un certain nombre étaient creusés, comme des grottes de bêtes fauves, dans le rocher même. On n'apercevait que la porte surmontée d'une ogive vide où pendait la cloche, et quelques petites terrasses taillées sous la voûte même du roc, où les moines vieux et infirmes venaient respirer l'air et voir un peu de soleil. Partout le pied de l'homme pouvait atteindre. Sur certains rebords des précipices, l'œil ne pouvait apercevoir aucun accès. Mais là même, un couvent, une croix, une solitude, un oratoire, un ermitage et quelques figures de solitaires circulant parmi les roches ou les arbustes, travaillant, lisant ou priant. Un de ces couvents était une imprimerie arabe pour l'instruction du peuple maronite, et l'on voyait sur la terrasse une foule de moines allant et venant et étendant sur des claies ou roseaux les feuilles blanches du papier humide. Rien ne peut peindre, si ce n'est le pinceau, la multitude et le pittoresque de ces retraites. Chaque pierre semblait avoir enfanté sa cellule, chaque grotte son ermite, chaque source avait son mouvement et sa vie, chaque arbre son solitaire sous son ombre. Partout où l'œil tombait, il voyait la vallée, la montagne, les précipices s'animaient pour ainsi dire sous son regard. Et une scène de vie, de prière, de contemplation se détachait de ces masses éternelles, ou s'y mêlait pour les consacrer. Mais bientôt le soleil tomba, les travaux du jour cessèrent, et toutes les figures noires répandues dans la vallée rentrèrent dans les grottes ou dans les monastères. Les cloches sonnèrent de toutes parts l'heure du recueillement et des offices du soir. Les unes avec la voix forte et vibrante des grands vents sur la mer, les autres avec les voix légères et argentines des oiseaux dans les champs de blé. Celles-ci plaintives et lointaines, comme des soupirs dans la nuit et dans le désert. Toutes ces cloches se répondaient des deux bords opposés de la vallée, et les mille échos des grottes et des précipices se les renvoyaient en murmures confus et répercutés, mêlés avec le mugissement du torrent, des cèdres et les mille chutes sonores des sources et des cascades dont les deux flancs des monts sont sillonnés. Puis il se fit un moment de silence et un nouveau bruit, plus doux, plus mélancolique et plus grave, remplit la vallée. C'était le chant des psaumes qui, s'élevant à la fois de chaque monastère, de chaque église, de chaque oratoire, de chaque cellule des rochers, se mêlait, se confondait en montant jusqu'à nous comme un vaste murmure et ressemblait à une seule plainte mélodieuse de la vallée tout entière qui venait de prendre une âme et une voix. Puis un nuage d'encens monta de chaque toit, sortit de chaque grotte et parfuma cet air que les anges auraient pu respirer. Nous restâmes muets et enchantés comme ces esprits célestes quand, planant pour la première fois sur le globe qu'ils croyaient désert, ils entendirent monter de ces mêmes bords la première prière des hommes. Nous comprîmes ce que c'était que la voix de l'homme pour vivifier la nature la plus morte, et ce que ce serait que la poésie à la fin des temps, quand tous les sentiments du cœur humain, éteints et absorbés dans un seul, la poésie ne serait plus ici-bas qu'une adoration et un hymne. Mais nous ne sommes pas à ces temps. Le monde est jeune, car la pensée mesure encore une distance incommensurable entre l'état actuel de l'humanité et le but qu'elle peut atteindre. La poésie aura d'ici là de nouvelles, de hautes destinées à remplir.